voir mon daron jouer au loto. Putain, si je sors, il faut que j'entre avec le butin. Je baisserai pas mon futal, même si la vie est brutale. Sauf si c'est pour te la mettre dans ton orifice buccal. Bitch, fais-moi une gâterie. Dors que j'ai plus de batterie. Le cœur plein de cicatrices. Je suis en verre, verre, verre, pas trip. On fait l'amour, puis la guerre. On fait la guerre, puis l'amour. Parce qu'on est deux mènes à la mort. Et deux laisse un goût amer. Dans tous les cas, c'est la merde. C'est souvent seul que j'opère. Seul quand j'allume mon sopère. C'est pas demain la veille. Plus seulement une pour essayer. Je n'attends que la paye. Pour le pire et le meilleur. Grosse blip, remplie de haine. La fumée part avec la peine. Des larmes de sang dans les veines. Je suis comme si c'était de l'oxygène. J'suis high, high, high, high, high, high. Il faut des billets pour de vrai. J'suis du loto sur le texte. Pour la monnaie sans regret. Billets, billets sur le texte. Billets, billets sur le texte. Fais des zéros sur le putain. Pensez aux zéros sur le putain. Ma mère aimerait me voir sourire. Mais c'est la merde, j'dois me nourrir. Certains aimeraient me voir pourrir. Ces fils de pute doivent mourir. Yo, j'fais mon blé, j'suis mon boss. Titulaire à mon poste. J'enflamme, j'ai la force. Yo. Poto, poto, je veux plus voir ma mère aller à l'hosto. Putain, si je sors, il faut que j'entre avec le butin. Je suis dehors, je cherche de l'or. Je ne mords mais pas de remords. On verra quand on sera mort. J'finis ma conce d'abord. Je fume sinon je perds la boule. Dans ma tête, je perds la porte. Je mets les gros sons hardcore. Au cinéma pour une poule. Je les baisse puis je me barre. J'ai une génie ou je ne barre. Je tourne cette fois ma langue dans sa bouche. J'essaye d'agir plus que je ne parle. J'aime pas trop les paroles en l'air. Plus rejoins et majeur en l'air. Le cafard habite dans ma tête. Le cafard est tombé dans l'air. Désolé mon cœur à la flemme. Moi j'attends la paye. J'attends le loto, j'attends la paix. Il faut des billets pour de vrai. J'ai du loto sur le texte. Pour la monnaie sans regret. Billets, billets sur le texte. Billets, billets sur le texte. Fais des zéros sur le bulletin. Pensez aux zéros sur le bulletin. Ma mère aimerait me voir sourire. Mais c'est la merde, je dois me nourrir. Certains aimeraient me voir pourrir. Ces fils de pute doivent mourir. Yo, je fais mon blé, je suis mon boss. Titulaire à mon poste. Je suis en flamme, j'ai la force. Venez vous. Yo, poto, poto. Yeah. Il me faut les chiffres du loto. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Il me faut les chiffres du loto. Yeah.